pied sur 26. Tiens, mon figaron, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Oui, sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille, oh, et tout le matin des noces à l'œil amoureux d'un époux. Et que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. Mais d'une raison. Et si j'en veux pas dire? Quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accordé que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur, oui ou non? Et tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté, zeste en deux parties chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien, craque en trois sous me l'a rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en deux pas, il est à ma porte et craque en trois sous. Il faudrait pouvoir m'écouter tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami, que là de courtiser les beautés des environs, Monseigneur le comte Almaviva veut rentrer au château. Il fait donc cacher sa femme. C'est sous la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs et mon humble maître enchanté, me répète chaque jour en me donnant le son. Basile, oh, mon mignon. Ah, si jamais volé de bois vert appliqué sur une échine a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un. Mais tu croyais, beau garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour l'espérer. Mais que les gens d'esprit sont bêtes. Mais c'est pas le droit. Ouais, apprends qu'il a destiné à obtenir de moi secrètement un certain quart d'heure, seul à seul, qu'un certain droit du Seigneur. Bon, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte en se mariant n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ses domaines. Eh ben, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est sur ta fiancée qu'il espère le racheter en secret aujourd'hui. Ah, ma tête s'abolit de surprise. Et mon front brisé. Non, ne prends pas. Mais quel danger? S'il venait un petit bouton, quelques gens superstitieux pourraient penser que tu es... Tu ris, friponne, hein? Non. Oh, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. Te voilà dans ta sphère. Ah, voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler de madame les noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Oh, le berger dit que ça porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit fifi, figaro. Rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. Oh, à mon amant, aujourd'hui, je lui en souhaite. Mais que dirait mon mari demain? Viens. Ah, c'est que tu n'as pas d'idée de mon amour. Quand cesserez-vous, importun, de m'en compter du matin jusqu'au soir? Quand je pourrais te le prouver du soir jusqu'au matin. Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Mais c'est pas ainsi que vous l'avez reçu. Oh, la charmante fille. Toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Message? Monseigneur, mon cher Monseigneur, vous voulez m'en donner à garder, hein? Mais je cherchais aussi pourquoi il m'emmène à son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte. Pendant que je galoperais d'un côté, vous feriez faire de l'autre à ma belle un joli chemin. Méchinant, me crottant pour la gloire de votre famille et vous daignant concourir à l'accroissement de la mienne. Ah, voilà ce bon docteur, la fête sera complète. Bonjour, cher docteur de mon cœur. Est-ce ma noce avec Sujon qui vous a dit au château? Oh, mon cher monsieur, pas du tout. Bon, ce serait bien généreux. Certainement et pas trop saut. Ah, Dieu, maçonnique, non. Avez-vous toujours envie de plaider contre moi? Pour n'aimer pas, faut-il qu'on se haïsse? Je me rapporte au docteur. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous le contrat de reste? Eh bien, Qu'est-ce qui rend ma visite au château si nécessaire? Mon comte a-t-il eu quelque accident? Oh non, docteur. Rosine, la comtesse est-elle incommodée, Dieu merci? Elle l'en dit. De quoi? Son mari la néglige. On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Libertin par ennui, jaloux par vanité, ça va sans dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro qu'il comble en faveur de cette union. Que son Excellence a rendu nécessaire. Ah, tout à fait, mais dont son Excellence voudrait bien, en secret, égayer l'événement avec l'épousée. De Monsieur Figaro. Oh, c'est un marché qu'on peut conclure avec lui. Basile assure que non. Cet autre marot loge ici. C'est une caverne, qu'y fait-il? Tout le mal dont il est capable. Mais le pis que j'y trouve est cette ennuyeuse passion qu'il a pour moi depuis si longtemps. Je me suis débarrassé 20 fois de sa poursuite. Oh, de quelle manière? En l'épousant. Brailleur fade et cruel, que ne vous débarrassez-vous de la mienne à ce prix? Ne le devez-vous pas? Où est le souvenir de vos engagements? Oh, écoutez, ces sornettes me fait venir au château, mais cet accès d'hymen qui vous reprend si vite. Eh bien, n'en parlons plus. Mais combien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser? Aidez-moi donc, du moins, à en épouser un autre. À volontiers. Oh, parlons. Mais quel mortel abandonné du ciel et des femmes. Mais qui pourrait-ce être, docteur? Sinon le beau, le gai, l'aimable Figaro. Je fripon là. Jamais fâché, toujours en belle humeur, donnant le présent à la joie, s'inquiétant de l'avenir tout aussi peu que du passé, sémillant, généreux, généreux. Comme un voleur. Comme un seigneur. Et sa Suzanne? Elle ne l'aurait pas la rusée. Si vous voulez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un engagement que j'ai de lui. Le jour de son mariage. On en rond de plus avancé. Et si je ne craignais pas d'éventer un petit secret des femmes. Prendront-elles pour les médecins du corps? Vous savez que je n'en ai pas pour vous. Notre sexe est ardent, mais timide. Un certain charme à vous nous attirer vers le plaisir. La femme la plus aventurée sent en elle une voix qui lui dit « Sois belle si tu peux, sage si tu veux, mais sois considérée. » Il le faut, alors, puisqu'il faut être au moins considérée, que toute femme en son importance. Effrayons d'abord la Suzanne sur la divulgation des offres qu'on lui fait. Et où ça nous mènera-t-il? Que la honte, la prenant au collet, elle continuera de refuser le comte. Lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que je fais à son mariage. Alors le mien devient certain. Elle a raison, parbleu. C'est à mon tour de faire épouser ma vieille gouvernante à ce fripon qui m'a volé dans le temps 100 écus que j'ai sur le cœur. Ah, quelle volupté! De punir un scélérat. De l'épouser, docteur, de l'épouser. De l'épouser, de l'épouser. Qui donc? Au Figaro? Pourquoi non? Vous l'épousez bien? Oh, le bel argument de femme en colère! Non, nous parlions, belle Susan, du bonheur qu'il aura à vous posséder. Sans compter, monsieur le comte, on ne parle pas! Votre servante, madame, il y a toujours quelque chose d'amer dans vos propos. Oh, bien la poudre, madame. Où donc l'amertume? N'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage un peu la joie qu'il procure à ces gens? Qu'il procure? Oui, madame. Heureusement, la jalousie de madame est aussi connue que ses droits sur Figaro sont légers. On ne peut les rendre plus forts en les cimentant à la façon de madame. Mais cette façon, madame, est celle des dames savantes. Et l'enfant, ce n'est pas du tout innocente, comme un vieux juge. Adieu, jolie fiancée de notre fille. L'accorder secrète de monseigneur. Oh, je vous estime beaucoup, madame. Me fera-t-elle aussi l'honneur de vous chérir un peu, madame? Oh, à cet égard, madame n'a rien à désirer. C'est une si jolie personne que madame. Mais assez pour désoler madame. Surtout bien respectable. Et c'est au duègne à l'être. Au duègne. Non, non, non, ah, ma Soline. Ah, ah, allons, docteur, car je n'y tiendrai pas. Bonjour, madame. Allez, madame. Allez, paysante, je fais aussi peu vos efforts que je méprise vos outrages. Oh. Susan, depuis 2 heures, j'ai plus le moment de te trouver seule. Hélas, tu te maries et moi, je vais partir. Comment mon mariage éloigne-t-il du château le premier page de Monseigneur? Suzanne, il me renvoie. Chérubin, quelques sottises. Il m'a trouvé hier au soir chez ta cousine, Fanchette. À qui je faisais répéter son petit rôle d'innocent pour la fête de ce soir. Il s'est mis dans une fureur en voyant. Sortez, m'a-t-il dit, petit. Oh non. Je n'ose pas prononcer devant une femme le gros mot qu'il a dit. Sortez et demain vous ne coucherez pas au château. Si. Si madame. Si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait, Susan, je suis à jamais privé du bonheur de te voir. De me voir? Moi? C'est mon tour? C'est donc plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret? Non, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. C'est-à-dire que je ne suis pas et qu'on peut oser avec moi. Bah, tu sais trop bien, méchant, que je n'ose pas oser. Mais que tu es heureuse à tout moment la voir, lui parler, l'habiller le matin et la déshabiller le soir. Épingle à épingle. Oh, Susan, je te donnerai. Qu'est-ce que tu t'as donc là? Ah, hélas! L'heureux bonnet et le fortuné ruban qui renferme la nuit les cheveux de cette belle marraine. Son ruban de nuit? Oh, donne-le-moi à mon cœur! Écoute-moi pas! Son cœur! Mais comme il est familier donc! Ah, si c'était pas un morveux en conséquence! Wouh! Oh, non. Oh, tu diras qu'il est égaré, gâté, qu'il est perdu! Tu diras tout ce que tu voudras! Dans 4 ans, je prédis que vous serez le plus grand petit vaurien! Oh, rendez-vous le ruban! Oh, laisse-le-moi, Susan! Je te donnerai ma romance! Vous croyez parler à votre Fanchette? On vous surprend chez elle, et vous soupirez pour madame, et vous m'en comptez à moi, par-dessus le marché? Cela est vrai d'honneur, je sais plus ce que je suis. Mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée. Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme. Les mots amour et volupté le font tressaillir et le trouble. Enfin, le besoin de dire à quelqu'un je vous aime est devenu pour moi si pressant que je le dis tout seul, en courant dans le parc. Hier, j'ai rencontré Marceline. Oh, ben pourquoi non? Elle est femme, elle est fille. Oh, une fille, une femme, que ces noms sont doux, qui sont intéressants. Oh, il devient fou. Oh, Fanchette est douce, elle m'écoute au moins. Tu n'es pas, mais c'est bien dommage. Écoutez-en, monsieur. Ah oui, on l'aura, vois-tu, qu'avec ma vie. Mais si tu n'es pas contente du prix, j'y joindrai 1000 baisers. 1000 soufflets si vous approchez. Non, non, j'arrive pas. Non, non, arrête. Je suis perdu. Pas quelle frayeur. Mais tu es émue, Susan. Tu parlais seule. Ton petit cœur paraît dans une agitation. Bien pardonnable, Oreste, un jour comme celui-ci. Monseigneur, mais que faites-vous ici? Si on vous trouvait avec moi. Ah, je serais désolé qu'on m'y surprise. Mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Alors, je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues. Écoute. J'écoute pas. Seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro. Je lui donne un excellent poste. Et comme le devoir d'une femme est de suivre son mari. Mais monseigneur, si j'osais parler. Ah, mais parle, ma chère. Use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la vie. Mais j'en veux point, monseigneur. J'en veux point. Laissez-moi, je vous prie. Non, j'ai dit auparavant. Je sais plus ce que je disais. Sur le devoir des femmes. Ah, si monseigneur abolit un certain droit de seigneur... Oh, tu faisais bien de la peine aux filles. Hein. Oh, Suzette, ce droit charmant. Si tu venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur. Monseigneur n'est pas chez lui. Quelle est cette voix? Je suis malheureuse. Sors pour qu'on n'entre pas. Que je vous laisse, ça, ici. Monseigneur, monsieur, madame. Il en est sorti, je vais voir. Pas un lieu pour se cacher. Bon, ben, derrière ce fauteuil, assez mal. Mais renvoie-le bien vite. Ah. N'auriez-vous pas vu monseigneur, mademoiselle? Et pourquoi l'aurais-je vu? Laissez-moi. Si Si vous étiez plus raisonnable, je n'aurais rien d'étonnant à ma question. C'est Figaro qui me cherche. Ah, il cherche donc celui qui lui veut le plus de mal après vous. Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du mal à son mari? Non, dans vos affreux principes. Que vous demande-t-on ici que vous n'alliez prodiguer à un autre? Grâce à la douce cérémonie, ce qu'on vous défendait hier, on vous le prescrira demain. Oh, indigne! Toutes les choses sérieuses, le mariage étant la plus folle, j'avais pensé... Des horreurs! Qui vous a permis d'entrer ici? Là, là, là, là, là! Mauvaise! Dieu vous apaise, il en sera que ce que vous voulez. Mais ne croyez pas non plus que je regarde Monsieur Figaro comme l'obstacle qui mène à Monseigneur. Et sans le petit page. Pardon, chérubin? Un cherubino d'amore, qui tourne autour de vous sans cesse et qui ce matin encore rôdait ici pour y entrer quand je vous ai quitté. Dites que ça n'est pas... Oh, mais quelle imposture! Allez-vous-en, méchant homme! Ah, on est un méchant homme parce qu'on y voit clair. Mais n'est-ce pas pour vous aussi cette romance dont il fait mystère? Ah oui, pour moi. À moins qu'il ne l'ait composée pour madame. En effet, quand il sert à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux. Mais peste! Qu'il ne s'y joue pas. Monseigneur est brutal. Et vous, que ça dira d'aller se demander pareil bruit pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître? Le j'ai inventé, je le dis parce que tout le monde en parle. Comment tout le monde en parle? Mais où est Basile et qu'on le chasse? Parce que je suis fâché d'être entré. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, oh! Elle est saisie! Bien, asseyons-la dans ce fauteuil. Et nous sommes deux avec toi, ma chère. Il n'y a plus le moindre danger. Moi, je suis désolé de m'être égayé sur les pages, puisque vous l'entendiez, mais je n'en usais un... Oh, 50 pistoles, un cheval, et qu'on le renvoie à ses parents. Monseigneur, pour un bas d'image. Ouais, un petit libertin que j'ai surpris hier encore avec la fille du jardinier. Ah, avec Franchette. Oui, elle est dans sa chambre. Ah. Monseigneur avait sans doute affaire aussi. Ah. J'en aime assez la remarque. Eh, les gars, mais non. J'allais chercher ton oncle, Antonio, mon ivrogne de jardinier, pour lui donner des ordres. Je frappe. On est longtemps à m'ouvrir. Ta cousine a l'air empêtrée, je prends un soupçon. Je lui parle. Et tout en causant, j'examine. Il y avait derrière la porte une espèce de rideau, de porte-manteau, enfin de je ne sais pas quoi qui couvrait mes armes. Sans faire semblant de rien, je vais doucement, doucement lever ce rideau et je vois... Non ah. Et ce tour-ci vaut l'autre. Encore mieux. À merveille, mademoiselle. À peine fiancée, vous faites de ces apprêts que c'était pour recevoir mon page que vous désiriez d'être seul. Et vous, monsieur, qui ne changez point de conduite, il vous manquait de vous adresser sans respect pour votre marraine à sa première camariste, à la femme de votre ami. Et je ne souffrirai pas que Figaro, qu'un homme que j'estime et que j'aime, soit victime d'une pareille tromperie. Était-il avec vous, Basile? Mais il n'y a ni victime, ni tromperie. Il était là lorsque vous me parliez. Votre arrivée l'a si fort troublé qu'il s'est masqué de ce fauteuil. Ruse d'enfer. Je m'y suis assis en entrant. Hélas, monseigneur, j'étais tremblant derrière. Autre fourberie, je viens de m'y placer moi-même. Pardon, mais c'est alors que je me suis blotti dedans. Une couleuvre que ce petit serpent-là? Il nous écoutait? Au contraire, monseigneur, j'ai fait ce que j'ai pu pour ne rien entendre. Perfini! Tu n'épouseras pas, Figaro! Oh. Tenez-vous bien! Ah, il resterait là devant toute la tête! Il n'y a que vous, madame, qui puissiez nous obtenir une telle faveur. Le voyez, monsieur le comte, il me suppose un crédit que je n'ai point. Et comme leur demande n'est pas déraisonnable. Ah, il faudrait qu'elle le fût beaucoup. Que voulez-vous? Monseigneur, vos vassaux touchés de l'abolition d'un certain droit fâcheux que. Votre amour pour madame... Eh bien, bien, bien, ce droit n'existe plus. Que veux-tu dire? Qu'il est bien temps que la vertu d'un si bon maître éclate. Permettez donc que cette jeune créature, de qui votre sagesse a préservé l'honneur, reçoive publiquement de votre main la toque virginale. Regardez-la donc, monseigneur. Jamais plus jolie fiancée ne montrera mieux la grandeur de votre sacrifice. Laisse donc là ma figure. Et ne vantons que sa vertu. C'est un jeu que tout ceci. Je me joins à eux, monsieur le comte. Et cette cérémonie me sera toujours chère, puisqu'elle doit son motif à l'amour charmant que vous aviez pour moi. Et que j'ai toujours, madame. C'est à ce titre que je plus d'éclat. Je voudrais seulement qu'on l'a remis à tantôt. Eh ben, espiègle, vous n'applaudissez pas. Oh, le malheureux, il est au désespoir. Monseigneur le renvoie. Oh, monsieur, je demande sa grâce. Il ne la mérite pas. Hélas, il est si jeune. Pas tant que vous croyez. Je fus léger dans ma conduite, il est vrai, monseigneur. Mais jamais la moindre indiscrétion dans mes paroles. Allez bien, c'est assez. Qu'entend-il? C'est assez. C'est assez. Tout le monde exige son pardon. Je l'accorde. Et j'irai plus loin, je lui donne une compagnie dans ma légion. C'est à condition qu'il partira sur le champ pour joindre en Catalogne. Alors, monseigneur, demain. Je le veux. J'obéis. Saluez votre marraine et demandez sa protection. Vous êtes bien émue, madame? Je ne m'en défends pas. Qui sait le sort d'un enfant jeté dans une carrière aussi dangereuse? Il est allié de mes parents et de plus, il est mon filleul. Je vois que Basile avait raison. Jeune homme, embrassez Suzanne. Pour la dernière fois. Mais pourquoi cela, monseigneur? Il viendra passer ses hivers. Allez, pète-moi donc aussi, capitaine. Adieu, mon petit cher Hublin. Ah, tu vas mener un train de vie bien différent. Hein. Dame, tu ne rôderas plus tout le jour au quartier des femmes. Hein. De bons soldats, morbleu, basanés, mal vêtus, un grand fusil bien lourd. Et tourne à droite, demi-tour, et en avant, marche à la gloire. Va pas ton chien en chemin, hein. À moins qu'un bon coup de feu. Oh, puis donc, l'horreur! Quel pronostic! Où donc, Marceline? Il est bien singulier qu'elle ne soit pas des bons. Ah, monseigneur, elle a pris le chemin du bourg par le petit sentier de la ferme. Ah, et même que monsieur le docteur lui tenait le bras. Elle paraissait bien échauffée, monseigneur. Elle parlait tout haut en marchant, puis elle s'arrêtait. Et elle faisait comme ça avec de grands bras. Et monsieur le docteur, lui, faisait comme ça de la main pour l'apaiser. Elle paraissait si courroucée. Elle nommait même mon cousin Figaro. Cousin futur! Monseigneur, nous avez-vous pardonné pour hier? Bonjour, bonjour, petite. Mais c'est son chien d'amour qui la berce. Elle aurait troublé notre fête. Elle la troublera, je t'en réponds. Allons, madame. Entrons. Basile, vous passerez chez moi. Est-il bien enfilé? Charmant garçon. Ah, ça, vous autres. La cérémonie adoptée, ma fête de ce soir en est la suite. Mon ami, tu oublies que je pars. Eh, hey, toi, tu voudrais bien rester. Oh, si je le voudrais. Il faut ruser. Point de murmure à ton départ. Le manteau de voyage à l'épaule, arrange ouvertement ta trousse et convoie ton cheval à la grille. Un temps de galop jusqu'à la ferme, reviens à pied par les derrière, monseigneur te croira parti. Tiens-toi seulement hors de sa vue, je me charge de l'apaiser après la fête. Mais Fanchette, qui sait pas son rôle Que lui apprenez-vous donc depuis 8 jours que vous ne la quittez pas, hein? Tu n'as rien à faire aujourd'hui, tu ne lui parleras une leçon. Prenez garde, jeune homme, prenez garde. Le père n'est pas satisfait, la fille a été souffletée. Vous n'étudiez pas, hein? Tchirubino, vous lui causerez bien du chagrin. T'en vas la cruche à l'eau. Voilà notre imbécile avec ses vieux proverbes. Eh bien, pédant, que dit la sagesse des nations? T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, elle s'emplit. Pas si bête, hein. Raconte-moi tout, dans le plus grand détail. Je n'ai rien caché à madame. Quoi, Sujo? Il voulait te séduire. Oh non, monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante. Il voulait m'acheter. Et le petit page était présent? Oui. C'est-à-dire, caché derrière le grand fauteuil, il venait me prier de vous demander sa grâce. Et pourquoi ne pas s'adresser à moi-même? Est-ce que je l'aurais refusé, Suzon? Et c'est ce que j'ai dit, mais ses regrets de partir, et surtout de quitter madame. Oh, Suzon, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. Est-ce que j'ai ces terres-là, Suzon? Moi qui l'ai toujours protégé. Et puis, il a vu votre ruban de nuit que je tenais. Mon ruban? Il s'est jeté dessus. Oh, laissons ces folies. Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire que si je refusais de l'entendre, il allait protéger Marceline. Il ne m'aime plus du tout. Et pourquoi tant de jalousie? Comme tous les maris, ma chère, uniquement par orgueil. Oh, je l'ai trop aimé. Je l'ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour. Voilà mon seul tort avec lui. Mais je n'entends pas que cet honnête aveu te nuise. Et tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous y aider. Viendra-t-il, ami? Dès qu'il verra partir la chasse. Suzon, on frappe. C'est mon Figaro. Oh, c'est mon Figaro. Entre donc, cher ami, madame est dans une impatience. Et toi, madame Suzanne? Mais madame doit n'en prendre aucune. Au fait, de quoi s'agit-il? D'une misère. Monsieur le comte, trouve notre jeune femme aimable. Il voudrait en faire sa maîtresse, et mais c'est bien naturel. Hein. Oh, naturel. Et parce que ma Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas le diplôme, il va favoriser les vues de Marceline. Quoi de plus simple encore? Se venger de ceux qui nuisent à nos projets en renversant les leurs, c'est ce que chacun fait. C'est ce que nous allons faire nous-mêmes. Pouvez-vous, Figaro, traiter si légèrement un dessein qui nous coûte à tous le bonheur? Qui dit cela, madame? Au lieu de t'affliger de nos chagrins. N'est-ce pas assez que je m'en occupe? Or, pour agir aussi méthodiquement que lui, tempérons d'abord son ardeur de nos possessions en l'inquiétant sur les siennes. Ah, c'est bien dit. Mais comment? Ah, c'est déjà fait, madame. Un faux avis donné sur vous. Sur moi, la tête vous tourne. Non, c'est à lui qu'elle doit tourner. Mais non, je suis jaloux. Mais tant mieux. Mais pour tirer parti des gens de ce caractère, il ne faut qu'un peu leur fouetter le sang. C'est ce que les femmes entendent si bien. Je vous ai fait rendre à Basile un billet inconnu, lequel avertit monseigneur qu'un galant doit chercher à vous voir aujourd'hui pendant le bal. Et vous vous jouez ainsi de la vérité sur le compte d'une femme d'honneur? Il y en a peu, madame, avec qui je l'eusse osé, crainte de rencontrer juste. Il faudra que je m'en remercie. Mais dites-moi s'il n'est pas charmant de lui avoir taillé ses morceaux de la journée de façon qu'il passe à rôder, à jurer après sa dame le temps qu'il destinait à se complaire avec la nôtre. Il est déjà tout dérouté, galopera-t-il celle-ci, surveillera-t-il celle-là? L'heure du mariage arrive en poste, il n'aura pas pris de parti contre et jamais il n'osera s'y opposer devant madame. Non, mais Marceline, le bel esprit, osera le faire, elle. Je comprends ça, ça m'inquiète bien, ma foi. Tu feras dire à monseigneur que tu te rendras sur la brune au jardin. Oh, tu comptes sur celui-là? Ah, dame, écoutez donc, hein, les gens qui ne veulent rien faire de rien n'avancent à rien, ne sont bons à rien, voilà mon mot. Il est joli. Comme son idée, vous consentiriez qu'elle s'y rendit? Mais pas du tout, je fais endosser un habit de Suzanne à quelqu'un. Surpris par nous au rendez-vous, le comte pourra-t-il s'en dédire? À qui mes habits? Chez Rubat? Il est parti. Ah non, pas pour moi, peut-on me laisser faire? On peut lui faire confiance pour ce qui est de mener une intrigue? Deux, trois, quatre à la fois, bien embrouillé. Moi j'étais né pour être courtisan. Oh, on dit que c'est un métier si difficile. Non, recevoir, prendre et demander, voilà tout le secret, trois mots. Il a tant d'assurance qu'il finit par m'en inspirer. Mais c'est mon dessein. Oui, tu disais donc? Que pendant l'absence de monseigneur, je vais vous envoyer le chérubin, coiffez-le, habillez-le, je le renferme, je l'endoctrine, puis dansez, monseigneur. Oh mon Dieu, Suzon, comme je suis faite! Et ce jeune homme qui va venir! Madame ne veut donc pas qu'il en réchappe? Moi? Mais tu verras comme je vais le gronder! Oh. Faisons-lui chanter sa romance! Oh, c'est qu'en vérité, mes cheveux sont dans un désordre! Je vais reprendre ces deux boucles, madame le grondera bien mieux! Entrez, monsieur l'officier. On est visible. Ce nom m'afflige, madame. Il m'apprend qu'il faut quitter des lieux, une marraine si... si bonne. Et si belle. Oh oui. Oh oui. Mais voyez ce beau garçon avec ses longues paupières hypocrites. Allons, bel oiseau bleu. Chantez la romance, hein, madame. De qui dites-donc elle est? Ah, mais voyez la rougeur du coupable. En a-t-il un pied sur les joues? Mais est-ce qu'il est défendu de chérir? Qui dirait tout vaut rien. Là. Chut. Chante-t-il? Madame, je suis si tremblante. Oh, gna gna gna gna gna gna gna gna. Mais dès que madame le veut, modeste auteur. Mon coursier hors d'haleine, que mon cœur a de peine. J'irai de plaine en plaine, sentais mes pleurs couler. Beau page, dit la reine, que mon cœur a de peine. Qui vous met à la gêne, qui vous fait en pleurer, qui vous fait en pleurer, nous faut le déclarer. Madame est souveraine, que mon cœur a de peine. J'avais une marraine que toujours adorait, que toujours adorait. Je sens que j'en mourrais. Beau pas, je dis la reine, que mon cœur a de peine. N'est-il qu'une marraine, je vous en servirai. Un jour vous marierez, Nenny, n'en faut parler. Je veux traînant ma chaîne, que mon cœur a de peine. Mourir de cette peine, mais non, mon con, les. Il y a de la naïveté et du sentiment même. Oh, pour ce qui est du sentiment, c'est un jeune homme qui... Ah ça, monsieur l'officier, vous avez dit que pour égayer la soirée, nous voulions savoir si un de mes habits vous irait passablement. J'ai peur que non. Oh, il est ma grandeur. Autant déjà la veste. Oh, j'ai qu'à entrer. Est-ce que nous faisons du mal, donc? Je vais fermer la porte. Et c'est la coiffure que je veux voir. Sur ma toilette, une baigneuse à moi. Jusqu'à l'instant du mal, le comte ignorera que vous soyez au château. Nous lui dirons après que le temps d'expédier votre brevet nous a fait naître l'idée. Oh, hélas, madame. Le voici. Basile me l'a remis de sa part. Déjà? On a craint d'y perdre une minute. Ils se sont empressés qu'ils ont oublié d'y mettre son cachet. Le cachet à quoi? À son brevet. Oh, déjà? C'est ce que je disais. Est-ce là ma baigneuse? Oui. Et la plus belle de toutes. Oh. Oh, madame, il est charmant. Arrange un peu son collet d'un air un peu plus féminin. Là. Oh. Oh, mais qu'il est joli en fille. Mais je suis jaloux, moi. Là. Oh. Voulez-vous bien n'être pas jolie comme ça? Mais qu'elle est folle. Oh, il faut relever la manche afin qu'il se sente plus à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il a donc au bras? Un ruban? Un ruban à vous? Je suis bien aise que madame l'ait vu. J'avais bien dit que je lui dirais déjà. Si monseigneur n'était pas rentré, j'aurais bien repris le ruban. Car je suis presque aussi forte que lui. En allant lui chercher théâtre, prends le ruban d'un autre bonnet. Pour le ruban, monsieur, comme c'est celui dont la couleur m'agrée le plus, j'étais fort en colère de l'avoir perdu. Vous le gardez et moi je pars. Oh non, pour toujours. Je suis si malheureux. Taisez-vous. Taisez-vous, enfant. Il n'y a pas un brin de réseau dans ce que vous dites. Mais qui frappe ainsi chez moi? Pourquoi donc enfermer? Oh Dieu! Sans manteau! Quand l'ouvert des bras nus, seul avec moi, avec les reçus, sa jalousie, oh, ces terres de désordre! Vous n'ouvrez pas? C'est que je suis seule! Seule? Et avec qui parlez-vous donc? Avec vous, sans doute! Après les scènes d'hier et de ce matin, il me tuerait sur la place! Oh, quelle faute! Quelle faute! chiffonnais avec Suzanne, elle est passée un moment chez elle. Vous avez l'air un ton bien altéré. Ah, c'est pas étonnant, pas étonnant du tout. Je vous assure, nous parlons de vous. Elle est passée là, comme je vous dis. Vous parliez de moi? Je suis ramené par la... En montant à cheval, un billet qu'on m'a remis, mais auquel je n'ajoute aucune foi, m'a pourtant agité. Comment, monsieur? Quel billet? Faut avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. On me donne avis que, dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Oh, quelle que soit cette audace, il faudra qu'il pénètre ici, car mon projet est de ne pas quitter ma chambre de tout le jour. Ce soir, pour la noce de Suzanne. Oh, pour rien au monde. Je suis très incommodée. Heureusement, le docteur est ici. Quel bruit on entend? Du bruit? On a fait tomber un meuble. Je n'ai rien entendu pour moi. Il faut que vous soyez furieusement préoccupée. Préoccupée de quoi? Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame. Et que voulez-vous qu'il y ait, monsieur? C'est moi qui vous le demande, j'arrive. Suzanne, apparemment, qui range. Vous avez dit qu'elle était passée chez elle. Oh, passée ou entrée là, je ne sais lequel. Si c'est Suzanne, d'où vient le trouble, où je vous vois? Du trouble pour ma camariste. Pour votre camariste, je le sais, mais pour du trouble, assurément. Assurément, monsieur. Cette fille vous trouble et vous occupe beaucoup plus que moi. Et elle m'occupe à tel point, madame, que je veux la voir à l'instant. Je crois, en effet, que vous le voulez souvent. Mais voilà bien les soupçons, les moins fondés. Ils en seront plus aisés à détruire. Sortez, Suzon, je vous l'ordonne. Elle est presque nue, monsieur. Bientôt on troublait des femmes ainsi dans la retraite. Elle essayait des hardes que je lui donne en la mariant. Elle s'est enfuie quand elle vous a entendu. Et si elle craint tant de se montrer, au moins, elle peut parler. Répondez-moi, Suzanne. Êtes-vous dans ce cabinet? Suzon, je vous défends de répondre. On n'a jamais poussé si loin la tyrannie. Et puisqu'elle ne parle pas, vêtue ou non, je la verrai. Partout ailleurs, je ne puis l'empêcher, mais j'espère aussi que chez moi... Et moi, j'espère savoir dans un moment quelle est cette Suzanne mystérieuse. Vous demandez la clé, serait, je le vois, inutile. Mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Voilà, quelqu'un! Attirer vos genres et faire un scandale public d'un soupçon qui nous rendrait la fable du château. Oh. Bon, bien, madame. En effet, j'y suffirai. Je vais à l'instant prendre chez moi ce qu'il faut, mais pour que tout reste au même état, voudrez-vous bien m'accompagner sans scandale et sans bruit, puisqu'il vous déplaît tant? Une chose aussi simple apparemment ne me sera pas refusée. Mais monsieur, qui songe à vous contrarier? Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la bonté de m'attendre. Et le moindre mal qui puisse lui arriver à mon retour... En réalité, monsieur, bien la plus Adieu. Ouvrez, chérubin. Ouvrez vite, c'est Suzanne. Ouvrez, sortez. Oh, oh Suzanne, quelle horrible scène. Mais sortez, mais 20 secondes. Eh, va où sortir? Ah, oh, mais j'en sais rien, mais sortez. Il n'y a pas d'issue. Après la rencontre de tantôt, il vous écraserait et nous serions perdus. Allez compter à Figaro. Oh, la fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien haute. Un grand étage, impossible. Ma pauvre maîtresse. Oh, et mon mariage, au ciel. Elle donne sur la melonnière, quitte à gâter une couche bleue. Ah, il va se tuer. Dans un gouffre allumé, Suzon, oui, je m'y jetterai plutôt que de lui nuire. Et ce baiser va me porter bonheur. Aussi leste que jolie. Ah, si celui-ci manque de femme, prenons sa place au plus vite. Vous pouvez à présent, monsieur le comte, rompre la cloison si cela vous amuse. Au diantre qui répond un mot. C'était bien comme je l'ai laissé. Bon, madame, en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez ensuite. Encore une fois, voulez-vous l'ouvrir? Vous ouvrirez la porte ou je vais à l'instant? Arrêtez, monsieur, je vous prie! Croyez-vous capable de manquer à ce que je me dois? S'il vous plaira, madame, mais je verrai qui est dans ce cabinet. Eh bien oui, monsieur, vous le verrez. Écoutez-moi, tranquillement. Ce n'est donc pas Suzanne. Au moins, n'est-ce pas non plus une personne dont vous deviez rien redouter? Nous disposions d'une plaisanterie, bien innocente en vérité pour ce soir. Et je vous jure que et vous me jurez? Oh, que nous n'avions pas plus d'essai de vous offenser l'un que l'autre. L'un que l'autre? C'est un homme? C'est un enfant, monsieur. Et qui donc? Ah, à peine osais-je le nommer. Je le tuerai. Oh, mon Dieu. Mais parlez donc. C'est jeune. Chérubin. Chérubin? L'insolent. Mais voilà mes soupçons et bien expliqués. Ah, monsieur, gardez vos pensées. Mais comment je ne pourrais faire un pas? Alors, madame, ouvrez. Il a craint de vous irriter en se montrant. Sors donc, petit malheureux. Monsieur, monsieur, votre colère me fait trembler pour lui. N'employez pas d'un juste soupçon de grâce et que le désordre vous l'allez trouver. Du désordre? Hélas, oui, monsieur. Prêt à s'habiller en femme. Hein? Une coiffure à bois sur la tête, sans manteau, en veste. Le col ouvert et les bras nus. Vous vouliez garder la chambre? Indigne épouse. Ah, vous la garderez longtemps. Mais il faudra que j'en chasse un insolent de manière à ne plus le rencontrer nulle part. Oh, monsieur Comte! Épargnez un enfant! Je ne me consolerai jamais d'avoir causé ça. Vos frayeurs aggravent son crime. Il n'est pas coupable! Et partez. C'est moi qui les ai appelés. Montez-vous. Tu es bien audacieuse d'oser me parler pour un autre. Eh bien oui, je monterai. Je m'élèverai. Je vous remettrai même la clé du cabinet. Mais au nom de votre amour. De mon amour? Perfide. Promettez-moi que vous laisserez aller cet enfant sans lui faire aucun mal. Et puis après, tout votre courroux tombé sur moi si je ne vous convainc pas. Je n'écoute plus rien. Oh, grand Dieu, il me périt. Je le tuerai. Je le tuerai. Eh bien, tiens-le donc, ce maudit page. C'est Suzanne. À quelle école? Et bien, vous aussi, vous jouez l'étonnement. Mais peut-être qu'elle n'y est pas seule. Remettez-vous, madame, il est bien loin, il a fait un saut. Ah, oh, Suzanne, je suis morte. Il n'y a personne. Et pour le coup, j'ai tort. Ah, madame, vous jouez fort bien la comédie. Quoi, madame? Vous plaisantiez? Et pourquoi non, monsieur? Oh, et quel affreux badinage. Et par quel motif vous ouvrez? Vos folies méritent-elles de la pitié? Nommez folie ce qui touche à l'honneur. Je suis unie à vous. Pour être éternellement voué à l'abandon et à la jalousie que vous seul osez concilier. Oh, par pitié. Oh, vous n'en aviez aucune pour moi. Mais aussi ce billet, il m'a tourné le sang. Je n'avais pas consenti qu'on l'écrivit. Quoi, vous le saviez? C'est cet étourdi de Figaro. Il en était? Qui l'a remis à Basile. Qui m'a dit le tenir d'un paysan. Perfide chanteur, l'âme à deux tranchants. Tiens, c'est toi qui paieras pour tout le monde. Vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres. Voilà bien les hommes. On disait, madame incommodée, je suis accouru, je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif. C'est mon devoir. Mais... puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous vos jeunes vassaux sont en bas, attendant pour accompagner l'instant où vous permettez que je mène ma fiancée. Et qui surveillera la comtesse au château? La veillée, mais elle n'est pas malade. Alors, mais cet homme absent qui doit l'entretenir. Quel homme absent? L'homme du billet, que vous avez remis à Basile. Mais qui dit cela? Quand je ne le saurais pas d'ailleurs, fripon! Ta physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. Ah, s'il en est ainsi, monseigneur, c'est pas moi qui mens, c'est ma physionomie. Figaro, n'use pas ton éloquence en défaite. Nous avons tout dit. Mais quoi dit? Vous me traitez comme un Basile. Et que tu avais écrit ce billet de tantôt, pour faire croire à monseigneur lorsqu'il entrerait que le petit page était dans ce cabinet où je me suis enfermée. Qu'as-tu à la réponse? Il n'y a plus rien à cacher, Figaro, le badinage est consommé. Le badinage est consommé. Oui, consommé. Que dis-tu là-dessus? Moi, je dis que je voudrais bien qu'on amputure autant de mon mariage. Puisque Suzanne le veut, Madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez vous-même, il faut bien que je le veuille aussi. Et à votre place, en vérité, monsieur le comte, je ne croirai pas un mot de tout ce que nous vous disons. Ah, mais toujours mentir contre l'évidence. À la fin, cela mérite. Bon, as-tu des nouvelles du petit page? Encore tout froissé. Monseigneur, Michel. Monseigneur. Comme vas-tu, Antonio? N'est-ce donc qu'une fois grillé les croisés qui donnent sur mes couches? On jette toutes sortes de choses par ses fenêtres et tout à l'heure encore, on vient d'en jeter un autre. Par ses fenêtres? Regardez comme on arrange les giroflées. Monseigneur, il est pris dès le matin. Vous n'y êtes pas. C'est un petit reste d'hier. Voilà comment on fait des jugements ténébreux. Cet homme, où est-il? Où il est? Oui. C'est ce que je dis. Faut me le trouver déjà. Je suis votre domestique. Il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin. Il y tombe un homme. Et vous sentez que ma réputation en est effleurée. Détourne. Mais tu boiras donc toujours. Et si je ne buvais pas, je deviendrais enragé. Mais en quoi passer sans besoin? Boire sans soif, c'est faire l'amour en tout temps, madame. Il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Réponds-moi donc ou je vais te chasser. Est-ce que je m'en irai? Comment donc? Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un bon domestique, je suis pas assez bête, moi, pour l'envoyer à un si bon maître. On a, dis-tu, jeté un homme par cette fenêtre. Oui, mon excellent, tout à l'heure. Et qui s'est enfui, jarni courant. Après, j'ai bien voulu courir après. Et je me suis donné contre la grille une petite gourde à la main que je ne peux plus remuer. Ni pied, ni patte de ce doigt-là. Mais cet homme au moins, tu le reconnaîtrais? Ah, que oui, da. Si je l'avais vu pourtant. Mais voilà bien du train pour un pot de fleurs. Combien faut-il pleurer avec ta giroflée, là? Il est inutile de chercher, monseigneur, c'est moi qui ai sauté. Comment, c'est vous? Combien te faut-il pleurer? Votre corps a donc bien grandi depuis ce temps-là, car je vous ai trouvé beaucoup plus moindre et plus fluet. Ben certainement, oui, quand on saute, on se pelotonne. L'état vite, c'était plutôt qui dirait le gringalet de page. Chérubin, tu veux dire? Oui, revenu tout exprès avec son cheval de la porte de Séville, ou peut-être il est déjà... Ah non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je n'ai jamais vu sauter de cheval, car je le dirai de même. Mais quelle patience! J'étais dans la chambre des femmes, hein, en veste blanche, il fait un chaud, et j'attendais la main sur la nette quand j'ai ouï tout à coup la voix de monseigneur, le grand bruit qui se faisait, alors je ne sais, quelle crainte a saisi à l'occasion de ce billet, et ben, s'il faut vous avouer ma bêtise, j'ai sauté sans réflexion sur ses couches, où je me suis même un peu foulé le pied droit. Puisque c'est vous, il est juste de vous rendre ce brimborion de papier qui a coulé de votre veste en tombant. Donne-le-moi! Je suis pris. La frayeur ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce papier, ni comment il se trouvait dans votre poche. Ah bon, non, sûrement, non, jamais, c'est que j'en ai tant. Il faut répondre à tout, hein. Ah, ça, qu'est-ce que... Oh, ça c'est une lettre de Marceline, dis donc. 4 pages, quoi. Ne serait-ce pas la requête de ce pauvre braconnier en prison? Ah non, non, c'est si bon. J'avais l'état des meubles du petit château dans l'autre poche. Grand Dieu, hein? Jugement, c'est le brevet d'officier. C'est le brevet. Eh bien, l'homme aux expédients. Vous ne devinez pas? Monseigneur Guy, si vous ne devinez pas... Fidon vilain qui me parle dans le nez, là. Vous ne me rappelez pas ce que ce peut être? Oh, pour un vélo, ce sera le brevet de ce malheureux enfant qui m'avait remis que j'ai oublié de lui rendre. Oh, étourdi que je suis, hein. Mais que fera-t-il sans son brevet? Il faut courir. Pourquoi vous l'aurait-il remis? Ah ben, il désirait qu'on y fît quelque chose... Le cachet, il manque. Mais il n'y manque rien. Ah ben, c'est qu'en effet, il y manque peu de choses, hein. Il dit que c'est l'usage. L'usage? L'usage de quoi? D'y apposer le sceau de vos armes. Peut-être aussi que ça ne valait pas la peine. Hein. Il est écrit que je ne saurais rien. C'est ce Figaro qui les mène et je ne m'en mangerai pas. Mais vous sortez sans ordonner mon mariage? Ne l'ordonnez pas, monseigneur! Voilà ma vengeance arrivée. Avant de lui faire grâce, vous me devez justice. Il a des engagements avec moi. Des engagements de quelle nature, expliquez-vous? Oui, je m'expliquerai. Malhonnête. De quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. Un billet, voilà tout, pour de l'argent prêté. Sous condition de m'épouser! Vous êtes un grand seigneur, le premier juge de la province. Présentez-vous au tribunal. J'y rendrai justice à tout le monde. En ce cas, votre grandeur permet que je fasse aussi valoir mes droits sur Marceline. Ben voilà mon fripon du billet. Autre fou de la même espèce. Vos droits? Vos droits? Il vous convient bien de parler devant moi, Maître Sceau. Il ne l'a, ma foi, pas manqué du premier coup. Maître Sceau, c'est son nom. Marceline, on suspendra tout. Jusqu'à l'examen de vos titres qui se fera publiquement dans la grande salle d'audience. Honnête Basile, agent fidèle et sûr. Allez au bourg chercher les gens du siège. Pour son affaire. Vous m'amènerez le paysan du billet? Est-ce que je le connais? Vous résistez? Je suis pas entré au château pour en faire les commissions. Quoi donc? Un matalant sur l'orgue du village, je montre le clavecin à madame, à chanter à ses femmes, la mandoline page, et mon emploi surtout est d'amuser votre compagnie avec ma guitare, quand il vous plaît de me l'ordonner. Amuser ma compagnie. Eh bien, homme de talent, vous allez en bas chercher le premier petit pastoureau que vous rencontrerez, et vous l'accompagnerez en jouant la guitare. Et en chantant, pour l'emmener en chemin. Il est de ma compagnie. Que j'accompagne en jouant. C'est votre emploi. Partez, ou je vous chasse. Je n'irai pas lutter contre le pot de fer, moi qui ne suis qu'une cruche. Vous voyez, Suzanne? La jolie scène que votre étourdi m'a value avec son billet, tout cela m'a remis au point que je pouvais rassembler deux idées. Au contraire, madame, c'est là que j'ai vu combien l'usage du grand monde donne d'aisance aux dames comme il faut pour mentir sans qu'il y paraisse. Hein? Crois-tu que le comte en soit la dupe? J'ai trouvé cet enfant au château. Non, je vais recommander de le cacher si. Il faut qu'il parte. Après ce qui vient d'arriver aujourd'hui, vous croyez bien que je ne suis pas tentée de l'envoyer au jardin à votre place? Il est certain que je n'irai pas non plus. Mais voilà encore une fois mon mariage. Attends. Chut. Au lieu d'un autre ou de toi, si j'y allais moi-même. Vous, madame? Il n'y aurait personne exposé. Le comte, alors, ne pourrait nier avoir puni sa jalousie et lui prouver son infidélité. Voilà qui serait. Allons. Le bonheur d'un premier hasard m'ordit à tenter le second. Chut! Fais-lui savoir promptement que tu te rendras au jardin. Chut! Mais surtout que personne ne sache. Figaro? Non! Il voudrait y mettre ici du sien. Vite, ma cape et mon masque de velours que j'aille rêver sur la terrasse. Il est assez effronté, mon petit projet. Oh, monsieur le comte, qu'avez-vous fait? Et moi, que fais-je en ce moment? Madame, il est parfait, votre projet. Oui, il embrasse tout, réunit tout, rassemble tout. Et quelque chose qui arrive, mon mariage est maintenant certain. Séparer un seul mot. Je m'en suis douté. Lui fait épouser la vieille. Les amours de M. Basile? Et voyons ce que nous font de la jeune. Ma femme, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Moi qui me rend à vos ordres. Et pourquoi ces mots? Je n'ai rien dit. À ma femme, s'il vous plaît. Ah non, c'est la fin d'une réponse que je faisais. Allez le dire à ma femme, s'il vous plaît. Sa femme. Je voudrais bien savoir quelle affaire peut arrêter monsieur quand je le fais appeler. Et je m'étais sali et en tombant sur ses couches, je me changeais. Faut-il une heure? Il faut le temps. Les domestiques ici sont plus longs à s'habiller que les maîtres. C'est qu'ils ont quoi de valet pour les y aider. Eh, laissons cela. J'avais quelque envie de t'emmener à courrier de dépêche. Mais toute réflexion faite... Monseigneur a changé d'avis. Premièrement, tu ne sais pas l'anglais. Je sais, God dame. Je n'entends pas. Mais je dis que je sais, God dame. Eh bien. Avec God dame, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Non, les Anglais, à la vérité, rajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant. Mais il est bien aisé de voir que God dame est le fond de la langue. Aussi, si Monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne... Il veut venir à Londres. Elle n'a pas parlé. Je crois que je ne sais rien. Travaillons-le un peu dans son genre. Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tour? Ma foi, monseigneur, vous le savez mieux que moi. Mais je la préviens surtout et la comble de présent. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. C'est ton gré du superflu à qui nous prive du nécessaire. Tu me disais tout. Et maintenant, je ne vous cache rien. À combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association? Monseigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien, crainte d'en faire un mauvais valet. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais? Mais c'est qu'on en voit partout quand on cherche des torts. Une réputation détestable. Et si je vaux mieux qu'elle? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent endurer autant? 100 fois je t'ai vu marcher à la fortune, jamais à l'endroit. Mais comment voulez-vous? La foule est là, chacun veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie, on renverse. Arrive qui peut, le reste est écrasé, aussi c'est fait pour moi, j'y renonce. À la fortune, hein? Voici du neuf. Et avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux. De l'esprit pour s'avancer, monseigneur Serizier. Médiocre et rampant, on arrive à tout. Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique. Bon, je le sais. Ah oui? Comme l'anglais, le fond de la langue. Feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, paraître profond quand on est, comme on dit, que vide et creux. Jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions, pensionner des traîtres, amollir des cachets, intercepter des lettres, et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Voilà toute la politique où je meurs. Ah, c'est l'intrigue que tu définis. Oui, l'intrigue, la politique volontiers, mais comme je les crois un peu germaine, en fasse qui voudra. Il veut rester, j'entends. Suzanne m'a trahi. Je leur file le père, ça venait. Ainsi, tu espères gagner ton procès contre Marceline? Me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille quand votre excellence se permet de nous souffler toutes les jeunes? Pourquoi le con lui a tout dit? Il épousera la vieille. Il a joué au fin avec moi, qu'a-t-il appris? Ah, le carreau m'embarrassait. En disputant, il prend son avantage. Il vous sert, vous enveloppe. Ah, friponne et fripon. Vous vous entendez pour me jouer? Soyez amis. Soyez amants, soyez ce qu'il vous plaira, j'y consens. Mais parbleu pour époux. Monseigneur, pardon, monseigneur. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Vous êtes en colère? Vous voulez quelque chose, apparemment. C'est que ma maîtresse a des vapeurs, donc j'accourais vous prier de nous prêter votre flacon d'éther. Je vais rapporter dans l'instant. Non, non, gardez-le pour vous-même. Il ne tardera pas à vous être utile. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs, donc? C'est un mal de condition qu'on ne prend que dans les boudoirs. Une fiancée bien éprise, hein? Et qui perd son futur. En payant Marceline avec la dot que vous m'avez promise... Que je vous ai promise, moi? Ah, monseigneur, j'avais cru l'entendre. Ah! Oui. Mais si vous consentiez à m'entendre vous-même... Mais n'est-ce pas mon devoir d'écouter son excellence? Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l'avoir pas dit plus tôt? Est-il jamais trop tard pour dire la vérité? Tu te rendrais sur la brume au jardin? Est-ce que je n'y promène pas déjà tous les soirs? Ah, mais tu m'as traité si durement ce matin. Ah, oh, ce matin? Et le petit page, derrière le fauteuil? Ah, elle a raison, j'ai oublié. Et pourquoi ce refus obstiné quand Basile, de ma part? Ah, mais quelle nécessité qu'a Basile? Elle a toujours raison. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains bien que vous n'ayez tout dit. Madame, oui, je lui dis tout. Or, ce qu'il faut lui taire. Charmante. Entendons-nous, mon cœur. Si tu manquais à ta parole, point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Oui. Mais point de mariage, point de droit du Seigneur, mon Seigneur. Et où prend-elle ce qu'elle dit, hein? D'honneur, j'en raffolerais. Ta maîtresse attend le flacon. Aurais-je pu vous parler sans un prétexte? Délicieuse créature. Non, j'entends du monde. Elle est à moi. Suzanne, vous courtez donc si vite en quittant monseigneur. Mais à présent, si tu le souhaites, tu viens de gagner ton procès. Non, mais dis donc. Tu viens de gagner ton procès. Je tenais là dans un bon piège. Oh, mes chers insolents. Je vous punirai de façon... un bon arrêt bien juste. Et s'il allait payer la vieille. Monsieur, écoutez mon affaire. Mais parlons-en, verbalement. C'est une promesse de mariage. Accompagnée d'un prêt d'argent. Et j'entends, etc., le reste. Non, monsieur Freud, etc. J'entends, vous avez la somme. Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. Mais j'entends bien, vous redemandez l'argent. Et je demande qu'il m'épouse. Mais j'entends fort bien. Et lui, veut-il vous épouser? Non, monsieur, voilà tout le procès. Et croyez-vous que je ne l'entende pas, le procès? Non, monsieur. Où sommes-nous? Quoi? C'est vous qui nous jugerez? Est-ce que j'aurais acheté ma charge pour autre chose? C'est un grand abus que de les vendre. Oui, il ferait mieux de nous les donner pour rien. Hein. Contre qui plaidez-vous? Monsieur! Contre ce malhonnête homme. Je vous gêne peut-être. Monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller. Garçon là quelque part. C'est madame votre femme. Assez vite pour la servir, monsieur le conseiller. Et dans quel temps? Un peu moins d'un an avant la naissance de monsieur votre fils. Le cadet, qui est un bien joli enfant, je m'en vante. Je suis le plus joli de tous. On dit que tu fais ici les tiennes. Non, je suis bien bon, ce n'est là qu'une misère. Une promesse de mariage. Ah, le pauvre Benet. Monsieur, je m'en rapporte à votre équité. Quoi que vous soyez de notre justice. Hein? Je suis de la justice. Mais que si tu dois et que tu ne payes pas? Alors monsieur voit bien que c'est comme si je ne devais pas. Ah ben sans doute. Mais que donc qui dit... Monseigneur, messieurs. En robe ici, seigneur, bris d'oiseau. Mais c'était qu'une affaire domestique. L'habit de ville était trop bon. C'est vous qui l'êtes, monseigneur. Mais je ne vais jamais sans elle. Parce que la forme, voyez-vous, la forme, c'était elle, rire d'un juge en habit court qui trouve aussi l'aspect d'un procureur en robe. Parce que la forme. Appelez la cause. Barbe, Agar, Rab, Magdeleine, Nicole, Marceline de Vertellure. Contre Figaro. Nom de baptême en blanc. Anonyme. Anonyme, quel patron est-ce là? C'est le mien. Contre anonyme, Figaro, qualité? Gentilhomme. Vous êtes gentil. Si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Silence, messieurs. Allez. Pour cause d'opposition faite au mariage d'une fille ou pas, le docteur Barthelot, plaidant pour la demanderesse, et le dit Figaro pour lui-même. Si la cour le permet, contre le vœu d'usage et la jurisprudence du siège. Avancez, docteur, et lisez la promesse. Promesse. Ah, elle est péchée. Il faut la voir. Silence, messieurs. Je sous-signe. Reconnais avoir reçu de demoiselle Marceline de Vertalure, dans le château d'Aguas Frescas, la somme de 2000 piastres fortes coordonnées, laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château, et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., etc., signé Figaro, tout court. Mes conclusions, messieurs, sont à l'exécution de la promesse et au paiement du billet avec des... Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre? Que composez-vous à cette lecture? Il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la façon dont on a lu la pièce, car il n'est pas dit dans l'écrit laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai, mais laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai, ce qui est bien différent. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Y a-t-il « et » dans l'acte, ou bien « où » ? Il y a « et ». Il y a « où » ? Double main, lisez vous-même. Et c'est le plus sûr, car souvent les parties déguisent en lisant. Laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château ? Et « ah » ? Où ? Ah ! Et « où » le mot est bien mal écrit. Il y a un pâté. Je sais ce que c'est. Je soutiens, moi, que c'est la corruption copulative et qui lie les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Et je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les 10 membres. Ainsi, je paierai la donzelle ou je l'épouserai. Ah, pédant, pédant et demi, qui s'avise de parler latin, j'y suis grec, je l'extermine. Comment juger pareille question? Pour la trancher. Ne point chicaner pour un mot. Nous passons qu'il y ait où. J'en demande acte. Nous y adhérons. Ah, ainsi mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. Relisons le titre dans ce sens. Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l'épouserai. C'est ainsi que l'on dirait, messieurs, vous vous ferez saigner dans ce lit où vous resterez chaudement. C'est dans lequel il prendra deux gros de rhubarbe où on mêlera un peu de tamarin. Dans lequel on mêlera. Ainsi, château où je l'épouserai. C'est château dans lequel. Non, point du tout. La phrase est dans le sens de celle-ci. Où la maladie vous tuera, ou ce sera le médecin. Bien, le médecin. C'est incontestable. Autre exemple, ou vous n'écrirez rien qui plaise, ou les sots vous dénigreront, ou bien les sots, le sens est clair, car audica, sot ou méchant, sont le substantif qui gouverne. Maître Barthelot, croit-il que j'ai oublié ma syntaxe? Ainsi, je la paierai dans ce château, virgule, ou je l'épouserai. Sans virgule. Elle y est, c'est virgule, messieurs, ou bien je l'épouserai. Sans virgule, messieurs. Elle y était. Et d'ailleurs, l'homme qui épouse est-il tenu de rembourser? Oui, nous nous marions séparés de biens. Oh, ça va. Et nous de corps, dès que mariage n'est pas quittance. Oh, plaisant acquittement. Silence, messieurs. Qu'ont-il temps à balbutifier? Que peut requérir la demanderesse? Mariage. À défaut de paiement. Les deux ensemble feraient redondance. Silence donc, monsieur. Que nous répond le défendeur? Qu'il veut garder sa personne. A lui permis. J'ai gagné! Mais comme le texte dit, laquelle somme je paierai à sa première réquisition, ou bien j'épouserai, etc., etc. La cour condamne le défendeur à payer 2000 piastres fortes à la demanderesse. Ou bien, à l'épouser. Dans le jour. Ah, je suis perdu. Tu n'es plus mon neveu. Qu'en est-il, monseigneur? On va tout compter à ma nièce. Oh, je respire. Moi, j'étouffe. Au moins, je suis dangereux, ça soulage. Mais c'est ce Basile-là qui devait s'opposer au mariage de Marceline, voyez comme il revient. Mais, monseigneur, vous nous quittez? Tout est jugé. Oh, c'est ce gros enflé de conseiller aussi. Moi, un gros enflé. Sans doute, oui. Et je l'épouserai pas. Je suis gentilhomme. Oh, vous l'épouserez. Sans l'aveu de mes nobles parents. Où sont-ils? Oubliez, montrez-les. Quand vous donnez un peu de temps, je suis bien prêt de les trouver. Voilà 15 ans que je les cherche. Le fat, c'est quelque enfant trouvé. Enfant perdu, docteur. Ou plutôt, enfant volé. Oh. Et volé. Perdu. La preuve? Oh. Il plairait qu'on lui fait un jus. Monseigneur, quand les langes à dentelle, tapis brodés et joyaux d'or trouvés sur moi par les brigands n'indiqueraient pas ma haute naissance, la précaution qu'on avait prise de me faire des marques distinctives témoignerait assez combien j'étais un fils précieux. Et cet hiéroglyphe à mon bras... Une spatule ? À ton bras droit ? D'où savez-vous que je dois l'avoir ? Dieu ! C'est lui ! Bah oui, c'est moi. Mais qui, lui ? C'est Emmanuel ! Volé par des bohémiens? Tout près d'un château? Oh, mon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Voici ta mère! Nice. Ta propre mère! Sa mère! Expliquez-vous. Voilà ton père. Parce que la nature ne te l'a pas dit une fois. Jamais. Enfin, sa mère. Alors, ça c'est clair, il ne l'épousera pas. Ni moi. Ni vous. C'est votre fils. Oh. Vous m'avez juré. Si c'est pas un souvenir engagé, mais on serait pu d'épouser tout le monde. Allez, regardez, si près, personne n'épouserait plus personne. Il faut si connu une jeunesse déplorable. Oui, déplorable. Et plus qu'on ne croit. Je n'entends pas nier mes fautes, ce jour les a trop bien prouvées. Mais... qu'il est dur de les expier après 30 ans d'une vie. Modeste, j'étais née moi pour être sage. Et je la suis devenue. Sitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison, mais dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins, où les séducteurs nous assiègent. Pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à tant d'ennemis rassemblés? Telle nous juge ici sévèrement, qui peut-être en sa vie a perdu 10 infortunés. Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la règle. Homme plus qu'ingrat, qui flétrissait par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse. Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire, leurrée d'un respect apparent dans une servitude réelle, traitée en mineur pour nos biens, punie en majeur pour nos fautes. Sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur. Ou pitié. Elle a raison. Mon Dieu, raison. les refus d'un homme injuste. Ne regarde pas d'où tu viens. Vois où tu vas. Cela seul importe. À chacun. Tu parles d'or, maman. Et je me tiens à ton avis. Sot événement qui me dérange. Et la noblesse et le château vous imposez à la justice. Elle allait me faire faire une belle sottise, la justice. Après que j'ai manqué pour ces maudits 100 écus d'assommer 20 fois monsieur qui se trouve aujourd'hui mon père. Mais puisque le ciel a sauvé ma vertu de ces dangers, mon père, agréez mes excuses. Et vous, ma mère, embrassez-moi. Le plus maternellement que vous pouvez. Arrêtez, monseigneur, ne les mariez pas. Je viens payer madame avec la dot que ma maîtresse me donne. Mais au diable, la maîtresse! Il semble que tout conspire. Ah oui, payez, bien. Oh, mais j'en vois assez, mon oncle. Sortons. Et non, s'il vous plaît. Que vas-tu donc? Ta bêtise et ta lâcheté. Pas plus de l'une que de l'autre. Et que tu l'épouses à gré, puisque tu la caresses. Je la caresse, mais je l'épouse pas. Ah, je vous trouve bien un solo dans ces parodies. C'est une sainte lame. Non, avant de nous quitter, je te supplie, envisage bien cette chère femme-là. Oh, je la regarde. Et tu la trouves... affreuse. Et puis la jalousie, elle ne marcheront pas. Oh, embrasse ta mère, ma jolie Suzannette, le méchant qui te tourmente. Et mon fils. Sa mère? C'est donc de tout à l'heure que je le sais. Oh non! Mon cœur, entraîné vers lui, ne se trompait que de motif! C'était le sang qui me parlait. Et moi, le bon sens, ma mère, qui me servait d'instinct quand je vous refusais. Car j'étais loin de vous haïr, témoin de l'argent. Oh! Il est à toi. Reprends ton billet, c'est ta dot, et... Prends encore celle-ci. Oh, non, merci. Il est assez malheureux. J'allais devenir la plus misérable des femmes et je suis la plus fortunée des mères. Embrassez-moi, mes deux enfants. Oh, j'unis dans vous toutes mes tendresses. Heureuse autant que je puis l'être. Oh, mes enfants, combien je vais aimer. Pas tant de cajolerie, s'il vous plaît. En fait de mariage, dans les familles, celui des parents va devant. Savez, les vôtres, se battent-ils la main? Ah bon? Vous n'êtes donc qu'un père marin. En ce cas, notre galant, plus de parole. Oh, mon oncle! Il est jeune l'enfant de notre sœur, Asti, qui n'est l'enfant de personne. Est-ce que cela se peut, imbécile? On est toujours l'enfant de quelqu'un. Marin! Il ne l'aura jamais. Ah! Cherche à présent qui t'adopte. Arrêtez, docteur. Partez pas. Mon petit papa, c'est votre fils. De l'esprit, des talents, de la figure. Eh, qui vous a pas coûté une bonne. Oh, les centicules qui m'a volé nos dents. Oh, nous aurons tant soin de vous, papa. Nous vous aimerons tant. Je me laisse aller comme un enfant, moi. Je suis encore plus bête que monsieur, moi. Non, j'ai pas dit oui. Je suis encore plus bête que monsieur, moi. Non, on peut se dire à soi-même sur certaines choses, mais tout de même, ils sont petits papa poli dans cet endroit-ci. Dorée de ma mère, il l'épouse. Et il n'y a que monseigneur qui rage. Il Ris donc un peu de ce bon résultat. Ah, oh, j'adore ta joie. Parce qu'elle est folle. Elle annonce que tu es heureux. Parlons du rendez-vous du comte. Alors plutôt n'en parlons jamais. Il a failli me coûter Suzanne. Oh, tu veux donc plus qu'il ait lieu? Si vous m'aimez, Suzon, votre parole d'honneur sur ce point, qu'il s'y morfonde, et c'est sa punition. Il m'a plus coûté de l'accorder que je n'ai de peine à le rompre. Il n'en sera plus question. Mais tu m'aimeras un peu. Donc... Non, ce n'est guère. Comment? Mais en fait d'amour, vois-tu, trop n'est pas même assez. J'entends pas toutes ces finesses, mais je n'aimerais que mon mari. Tiens parole et tu feras une belle exception à l'usage. Ah, vous avez raison de le dire. En quelque endroit qu'ils soient, croyez qu'ils sont ensemble. Allons, Figaro, c'est voler l'avenir, le mariage et vous-même que d'usurper un tête-à-tête. On vous attend, on s'impatiente. Il est vrai, madame, je m'oublie. Je vais leur montrer mon excuse. Elle vous suit. As-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vêtements? Il nous faut rien, madame, le rendez-vous ne tiendra pas. Oh. Vous changez d'avis? C'est Figaro. Oh, mais c'est dans ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur. Tu tiens parole à ton mari et tu m'aides à ramener le mien. Où est ton rendez-vous? Le mot de jardin m'a seul frappé. Tiens, prends ce papier et ce crayon, écris et fixons un endroit. Je vais écrire. Il le faut. Mais madame, au moins... Je mets tout sur mon compte. Chanson nouvelle sur l'air de qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Hein? Et crois-tu qu'il n'entend pas? Oui, c'est juste. Avec quoi cacheter à présent? Une épingle, dépêche, elle servira de réponse. Écrit sur le revers, renvoyez-moi le cachet. Ah, le cachet? Oh, celui-ci, madame, est plus gaie que celui du brevet. J'ai pas d'épingle. Tiens, prends celle-ci. Madame, tadam. Non, madame, il y a dehors les filles du bourg qui viennent vous apporter des fleurs. Oh, comme c'est charmant. Mais oh, quelle est cette aimable enfant qui a l'air si modeste. Ah, eh bien, madame, je vous présente une cousine à moi qui n'est ici que pour la noce. Qu'elle est jolie. Ne trouves-tu pas, Suzon, qu'elle ressemble à quelqu'un? Oh, mais à s'y méprendre, en effet. Ne pouvant porter tous les bouquets des jeunes filles du village, faisons honneur à l'étrangère. Oh. Elle en rougit. Oh, ce baiser-là m'a été bien loin. Moi, je vous dis, monseigneur, qu'il y est. Elle aura lié. C'est ma fille et toutes ces armes qui sont encore, et voilà son chapeau d'ordonnance que j'ai retiré du paquet. Et paquet. Là, notre officier. Dieu, ce friponneau. Quand je vous disais là-haut que c'était lui. Eh bien, madame. Eh bien, monsieur, vous me voyez plus surprise que vous et pour le moins aussi fâché. Oui, mais tantôt, ce matin. Je serais bien coupable, en effet, si je dissimulais encore. Il était descendu chez moi. Nous entamions le badinage que ses enfants viennent d'achever. Vous nous avez surpris l'habillant. Notre premier mouvement est si vif. Il s'est sauvé, je me suis troublée. L'effroi général a fait le reste. Pourquoi n'êtes-vous pas parti ce matin, monsieur? Car je punirai ta désobéissance. Monseigneur, entendez-moi. Toutes les fois que vous venez m'embrasser... Vous savez bien que vous dites toujours, si tu veux m'aimer, petite fanchette, je te donnerai tout ce que tu voudras. Moi, j'ai dit ça. Oh, bah oui, monseigneur. Enfin, au lieu de punir tes mains, donne-le-moi en mariage. Et je vous aimerai à la folie. Vous aussi, monseigneur, dame, je vous la redresserai, comme toute sa mère qui est morte. C'est pas pour la conséquence. Mais madame sait bien que les petites filles, quand elles sont grandes... Il y a un mauvais génie qui tourne tout ici contre moi. Monseigneur, si vous retenez nos filles, on ne pourra commencer ni la fête ni la danse. Alors vous dansez, n'y pensez pas, après votre chute de ce matin qui vous a foulé le pied droit. Ah oui, non, je souffre encore un peu, mais c'est rien. Vous avez été fort heureux que ces couches ne fussent que du terreau bien doux. Très heureux, sans doute, autrement. Et qui s'est pelotonné en tombant jusqu'en bas? Mais un plus adroit, n'est-ce pas, serait resté en l'air. Bon, venez-vous. Et Pendant ce temps-là, le petit page galopait sur son cheval à Séville. Galopait ou marchait au pas. Et vous aviez son brevet dans la poche? Bien, assurément, mais quelle enquête! Ça a voulu vous venir, jeune fille. En voici une qui prétend que notre neveu futur est un menteur. Chérubin, la peste du petit phare. Y es-tu maintenant? J'y suis. Qu'est-ce qu'il chante? Ah, il ne chante pas. Il dit que c'est lui qui a sauté sur les giroflées. Ah, s'il le dit, ça se peut. Moi, je ne dispute pas de ce que j'ignore. Ah, ainsi, vous et lui. Mais pourquoi non, monseigneur? La rage de sauter peut gagner. Voyez les moutons de Padure. Et quand vous êtes en colère, il n'y a personne qui n'aime mieux risquer. Non, mais comment? Deux à la fois. On aurait sauté deux douzaines. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, monseigneur? Dès lors qu'il n'y a personne de blessé. Ah, ça voulait vous dire. Ah non, mais envoie-t-on de plus audacieux. Pour vous, monsieur le sournois, qui fais-je le honteux, allez vous rhabiller bien vite. Et que je ne vous rencontre nulle part de la soirée. Oh, il va bien s'ennuyer. M'ennuyer? J'emporte à mon front du bonheur pour plus de 100 années de prison. Qu'a-t-il au front de si heureux? Son premier chapeau d'officier, sans doute. Aux enfants, tout servent au chef. Vous ne nous restez pas, comtesse. Vous savez que je ne me porte pas bien. Un instant, pour votre protégé, ou je vous croirais en colère. Ah, voici venir les deux noces. Les noces. Il faut souffrir ce qu'on ne peut empêcher. J'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. Et si Suzanne doit me tromper un jour, mais je le lui pardonne d'avance, elle aura longtemps travaillé. Hey, ma petite cousine, tu nous écoutes? Ah, pour ça, non. On dit que c'est malhonnête, alors. Il est vrai, mais comme cela est utile, on fait aller souvent l'un pour l'autre. Mais je regardais si quelqu'un était là. Oh, déjà dissimulé, fripote. Mais vous savez bien qu'il dit peut-être. Ah oui, qui donc? Chérubin. Eh bien, ce n'est pas du tout lui que je cherche, car je sais très bien où il est. C'est ma cousine, Suzanne. Ah, et que lui veut ma petite cousine? Oh, ben, vous, mon petit cousin, je veux bien le dire. Ce n'est qu'une épingle que je dois lui remettre, voilà tout. Une épingle? Oui. Épingle, mais de quelle part, coquine? Bah, votre âge, vous faites déjà, mais vous faites déjà très bien tout ce que vous entreprenez, ma petite fourchette. Et ma jolie cousine est si obligeante. Mais à qui en a-t-il doute de se fâcher? Et bah, je m'en vais, voilà. Mais je badine. Tiens, ta petite épingle est celle que Monseigneur t'a dit de remettre à Suzanne. Et qui servait à cacheter un petit papier qu'il tenait. Tu vois que je suis au fait. Alors pourquoi le demander quand vous savez si bien? C'est qu'il est assez gai de savoir comment Monseigneur s'y est pris pour t'en donner la commission. Eh bien, pas autrement que vous le dites. Tiens, petite Fanchette, rends cette épingle à ta belle cousine et dis-lui seulement que c'est le cachet des grands marronniers. Marronnier. Ah oui, il a rajouté « Regarde que personne ne te voit ». Il faut obéir, ma cousine. Heureusement, personne ne vous a vu. Faites donc joliment votre commission. Et non, n'en dites pas plus à Suzanne que Monseigneur l'a ordonné. Mais enfin, pourquoi il m'en dirais-je? Mais il me prend pour un enfant, mon cousin. Ah, ma mère. Bien, mon fils. Ah non, pour celui-ci, il y a réellement des choses. Ah, il y a des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce que je viens d'entendre, ma mère. Je l'ai là comme un plomb. Quoi? Ce cœur plein d'assurance n'était donc qu'un ballon gonflé? Une épingle a tout fait partir. Mais cette épingle est celle qu'il a ramassée. Oh! La jalousie. J'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable, et si jamais Suzanne me trompe un jour, je ne lui pardonne. Mais ma mère, on en parle comme on sent. Et pour la mine, nos fines épingles, elle n'en est pas où elle le croit, avec ses marronniers. Bien conclu, abîmons tout sur un soupçon. Qui t'a prouvé, dis-moi, que c'est toi qu'elle joue, et non le comte. Sais-tu si elle se rendra sous les arbres? À quelle intention on y va? Ce qu'elle y dira? Ce qu'elle y fera? Oh, je te croyais plus fort en jugement. Je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère. Adieu. Et moi aussi, je le sais. Veillons sur les voies de Suzanne. Ou plutôt, avertissons-la. Elle est si jolie, créature. Ah, mon intérêt personnel ne nous arme point les unes contre les autres. Nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé contre ce fier, ce terrible. Et pourtant, un peu nigo, le sexe masculin. L'office qui ne voulait pas seulement donner une orange et deux biscuits. Et c'est pour qui, mademoiselle? Eh bien, monsieur, c'est pour quelqu'un. Ah oui, nous savons. Oui. Et quand ça serait? Parce que monseigneur ne peut pas le voir, faut-il qu'il meure de faim? Tout ça m'a pourtant coûté un fier baiser sur la joue. Mais quand c'est temps, peut-être qu'il me le rendra. C'est Fanchette. Monsieur, bonsoir. Êtes-vous tous ici? Ce que tu as posé du nez, enfin. Quelle heure est-il bien à peu près? La lune devrait être levée. Mais quelle noce après, fais-tu donc? Il y a l'air d'un conspirateur. N'est-ce pas pour une noce, je vous prie, que vous êtes rassemblés au château? Certainement. Oui. Nous allions là-bas dans le parc attendre un signal pour ta fête. Non, vous n'irez pas plus loin, monsieur. C'est ici, sous ces marronniers, que nous devons tous célébrer l'honnête fiancé que j'épouse et le loyal seigneur qui se l'est destiné. Vraiment? Oh, je sais ce que c'est. Retirons-nous si vous m'en croyez, les questions d'un rendez-vous. Je vous comprends tout cela, prince. Nous reviendrons. Mais quand vous m'entendrez appeler, ne manquez pas d'accourir tous. Et dites du mal de Figaro s'il ne vous fait voir une belle chose. Adieu, Bouco. Il l'a, hein. Oh, femme! Femme! Femme!

Susan, Susan, Susan. Que tu me donnes de tourments. J'entends marcher. On vient. Voici l'instant de la crise. Ah oui. Marceline m'a dit que le Figaro sera au CDI. Yeah. Je baisse la voix. Ainsi, l'un nous écoute et l'autre va venir me chercher. Pour ne pas perdre un mot, je vais me cacher dans le pavillon. Commençons. Madame tremble. Est-ce qu'elle aurait froid? L'air est humide. Je vais me retirer. Si madame n'avait plus besoin de moi, j'irai me retirer un moment sous les arbres. Gagnons vite mon asile ou ma petite fourchette. C'est une femme. Oh, grand Dieu! Me trompais-je? Cette coiffure qui se dessine au loin dans le crépuscule, il me semble que c'est Susan. Oh, si le comte arrivait! C'est la charmante fille qu'on nomme Suzanne. Et pourrais-je mimer la douceur de cette main, ce petit tremblement qui l'a saisi, surtout au battement de son cœur? Oh, allez, fais ça! Oh, si la compassion t'avait conduite exprès dans cet endroit du parc où je suis caché depuis tantôt. Figaro va pire! N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois? Je ne crains pas du tout Figaro, car c'est pas lui que tu attends. Qui donc? Il est avec quelqu'un. C'est Monseigneur Fripon qui t'a demandé ce rendez-vous ce matin quand j'étais derrière le fauteuil. Oh, c'est encore le page infernal! Obligez-moi de vous retirer! Ah, ce ne sera pas au moins sans avoir reçu le prix de mon obéissance. Vous prétendez? D'abord 20 baisers pour ton compte. Et je suis 100 pour ta belle maîtresse. Vous oseriez? Oh, que oui, j'oserais. Tu prends sa place auprès de Monseigneur, moi celle du compte auprès de toi, le plus attrapé. Est-ce que vous ne renouvelez pas le baiser? Voilà toujours le premier payé. Entendons quelque chose à son maudit page, il reçoit le plus rude soufflet et s'enfuit en éclatant de rire. Ah, mais si ça fugait de celui-ci. Comment je ne pourrais faire un pas sans... Laissons cette bizarrerie. Elle empoisonnerait le plaisir que j'ai de te trouver. L'espériez-vous? Ah, après ton ingénieux billet. Tu trembles? Oh, j'ai peur! Bon, ce n'est pas pour te priver du baiser que je l'ai pris. Ta liberté? Non. Oh, mais quelle peau fine et douce. Qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Ah, la prévention! Tels ce bras ferme et rondelaire. Ces jolis doigts, pleins de grâce et d'espièglerie. Ah si, l'amour. Ah, l'amour n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en écrit l'histoire et m'amène à tes genoux. Vous ne l'aimez plus? Moi, je l'aime beaucoup. Mais ces années d'union rendent l'hymen si respectable. Que vouliez-vous en être? Ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc. Je ne sais. Moins d'uniformité, peut-être. Un peu plus de piquant dans les manières. Un je ne sais quoi qui fait le charme, quelquefois un refus, que sais-je. Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant, cela dit une fois. Elles nous aiment, enfin quand elles nous aiment. Et sont si complaisantes et si constamment obligeantes et toujours et sans relâche. On est tout surpris un beau soir de trouver la satiété où l'on recherchait le bonheur. Oh, quelle leçon! En vérité, Susan, j'ai pensé mille fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit de chez elle, c'est qu'elle n'étudie pas assez l'art de soutenir notre goût. De se renouveler à l'amour, de maintenir, pour ainsi dire, le charme de leur possession par celui de la variété. Donc elles doivent tout. Et l'homme rien, bah, changerons-nous la marche de la nature. Notre tâche à nous fut de les obtenir. La leur. La leur. Et de nous retenir. On l'oublie trop. Ce ne sera pas moi. Et ni moi. Ni moi. Ni moi. Il y a de l'écho ici. D'y songer, toi que l'amour a fait est si vive et si jolie. Oh, avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse. Ma Susan, un Castillan n'a que sa parole. Voici tout l'or promis pour le rachat du droit que je n'ai plus sur le délicieux moment que tu m'accordes. Mais comme la grâce que tu daignes y mettre est sans prix, j'y joindrai ce brillant que tu porteras pour l'amour de moi. Suzanne accepte tout. On n'est pas plus coquine que ça. Voilà du bon bien qui nous arrive. Elle est intéressée, tant mieux. Oh, je vois des flambeaux. Ah, ce sont les apprêts de ta noce. Entrons-nous un moment dans l'un de ces pavillons pour les laisser passer. Sans lumière. Ah, bah, à quoi bon? Nous n'avons rien à dire. Ah. Va, ma foi, je m'en doutais. Qui passe ici? Passer? Viens exprès, c'est Figaro. Je vous suis. Plus rien. Ils sont entrés. Et voilà, c'est charmant. Plus toutes. On sait à quoi s'en tenir. Je les tiens donc enfin. Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là? Qui va là? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste eût étouffé en laissant. Oh, mais c'est Figaro. Oh, madame la comtesse. Parlez bas. Ah, madame, que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'est monseigneur? Oh. Que m'apporte un ingrat, dis-moi. Et Suzanne, mon épouse, où croyez-vous qu'elle soit? Mais parlez bas. C'est de Suzon qu'on croyait si vertueuse, qui faisait la réserver. Ils sont enfermés là-dedans. Je vais appeler. Oh, n'appelez pas. Oh, mais c'est Suzon, madame. Vous paraissez inquiet. Traîtresse qui veut me surprendre. Oh, il faut nous venger, Figaro. En sentez-vous le vif désir? Oh, je ne serai donc pas de mon sexe, mais les hommes en ont sans moyen. Madame, il n'y a personne ici de trop, celui des femmes, les vaut tous. Oh, comme je le souffletterai. Mais que serait-ce le prix d'une telle vengeance qu'un peu d'amour n'assaisonne pas? Partout où vous n'en voyez point, croyez que le respect dissimule. Je ne sais si vous le pensez de bonne foi, mais vous ne le dites pas de bonne grâce. Oh, je vous adore. Mais examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vous aux grâces qui manquent à ma prière. Ouh, la main me brûle. Le cœur me bat. Mais monsieur, au moins, avez-vous songé? Oh, oui, madame, oui, j'ai songé. Que oui. Pour l'amour et la colère... Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame. Ah, oh, la voici. Ah, démonio, vous soufflez. Quel soufflet? Et celui-ci? Mais quel aco? Oh, de par le diable, est-ce ici la journée des tables? Quel aco, Suzanne? Voilà pour tes franches, C'est dit ça, l'amour? Dis, comme ce matin? Ai-je pu me méprendre au son de ta jolie voix? Tu m'as reconnu? Ah, je me vengerai. Oh, bien rancé et gardé rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi, par quel bonheur je vois là quand je te croyais avec lui. Et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocente? C'est toi qui es innocente de venir te prendre un piège à prêter pour un autre. Est-ce notre faute à nous si voulant museler un renard, nous en attrapons deux? Qui te prend l'autre? Sa femme. Sa femme? Sa femme? Oh, Figaro, pends-toi, tu n'as pas deviné celui-là, sa femme. Douze ou quinze mille fois spirituelle femelle. Ainsi les baisers ont été donnés à madame. Et celui du page? À monsieur. Et tantôt, derrière le fauteuil? À personne. Avec vous sûr? Il pleut des soufflets, Figaro. Mais ce sont des bijoux chrétiens. Mais celui du comte était de bonne guerre. Oh. Allons, superbe, humilie-toi. Mais cela est juste, mais à genoux, mais bien courbé, mais prosterné, ventre à terre. Oh, le pauvre comte. faire la conquête de sa femme? Je la cherche en vain dans le bois. Elle est peut-être entrée ici. C'est lui. Suzon, es-tu là-dedans? Et tu la cherches, et moi je crois que... Je l'ai pas reconnu. Achevons-le, mon Dieu. Un homme au pied de la comtesse. Oh. Partons, madame, si je n'ai pas deviné que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour le noce. C'est l'homme du cabinet de ce matin. Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aux iseaux aura retardé nos plaisirs. La sac, mort, enfer. Il jure. Pressons-nous donc, madame, et tâchons de réparer le tort qu'on nous a fait tantôt quand j'ai sauté par la fenêtre. Ah, tout se découvre enfin. Vérifiez que personne ne vous ait suivi. Y'a un main libre. Vengeance! Ah, c'est vrai! Monsieur Lera, c'est toi! Ah, oh là! Quelqu'un! Quelqu'un! Ah, ton premier appel! Calme-toi! Empare-toi de cette porte! Bien surpris, excusez-moi! Et vous? Entourez-moi cet homme! Et m'en répondez! Sur la vie! Taisez-vous donc! Mon cavalier! Répondez-vous à mes questions? Qui pourrait m'en exhorter, monseigneur? Demandez à tout ici, hors à vous-même! Hors à moi-même! C'est ça, parler! Homme de bien qui feignait d'ignorer, nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon? Dans celui-là? Dans celui-ci! Ah, ben c'est différent. Jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières. Ah, vous l'entendez, messieurs? Nous l'entendons! Et cette jeune personne a-t-elle quelque autre engagement que vous sachiez? Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps, oui. Soit qu'il la néglige ou que je lui plaise mieux qu'un plus aimable. Elle me donne aujourd'hui la préférence. La préf! Au moins, il est naïf. Car ce qu'il avoue, messieurs, je vous jure, de la bouche même, de sa complice! Sa complice! Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi! C'est juste! Attends, qui donc a pris la femme de Delon? Tous vos efforts sont inutiles, vous êtes perdu, madame! Et votre heure est bien arrivée! Le bonheur d'aucun gage, d'une union aussi détestée! Mon page! Vous êtes toujours le page endiablé! Mais que faisiez-vous dans ce pavillon? Je me cachais comme vous me l'avez ordonné. Entre-y, toi, Antonio, conduis devant son juge la femme qui m'a déshonoré. Pourquoi, c'est madame que vous y cherchez? Il n'y a pas de gain d'une bonne providence. Vous avez tenté dans le pays. Entre donc! Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était pas seul. Mon sort eût été trop cruel si quelqu'un âme sensible en eût adouci l'amertume. Allons, madame, il ne faut pas vous faire crier pour en sortir, puisqu'on sait que vous êtes entré. La petite cousine. Sans fête. Ça ne ressemble, monseigneur. Il est gaillard de me choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui compte tout ce train-là. Qui la savait là-dedans? Non, permettez, monseigneur, tout ça n'est pas clair. Je suis de sang-froid. Moi. Voilà, une histoire trop compliquée. Allez, madame, ne craignez rien. Et il ne vous aura fait aucun mal. Je vous en réponds. Marceline, sa mère en est. À qui pipe là? Que m'importe à moi? Ben, la comtesse. Ah, la voici qui sort. Que croyez-vous, messieurs? Que mérite une odieuse? Non. Il fussiez-vous un sang. Au moins, je ferai non. Qu'est-ce que je vois? Papa, c'est madame. Et quoi, c'était vous, comtesse? Il n'y a qu'un pardon bien généreux. Vous diriez non, à ma place. Et moi, pour la troisième fois aujourd'hui, je vous l'accorde sans condition. Moi aussi. Moi aussi. Il y a de l'écho ici. Il y a de l'écho. J'ai voulu ruser avec eux, ils m'ont traité comme un enfant. Ne regrettez rien, monsieur le comte. Une petite journée comme celle-ci forme bien un ambassadeur. Chacun aura un seul qui lui appartient. Oui, encore une date. Et deux, trois. Celle-là fut rude à arracher. Et vous, Don Bridoison, en votre avis maintenant? Je tout ce que je vois, monsieur le comte. Ma femme, pour moi, je ne sais que vous dire. Voilà ma façon de penser. Bien joué!